grandi dans ces zones de l'endroit, c'est ce qu'on en dit. Là où je stresse au-dessus des lois, les flics autant que les bandits. Où j'ai rendu mes armes à la rue, navré de voir le sang répandu sur le pavé. Je récite le chant de ceux qui peinent, le cœur d'épée, en voyant la déchéance dans laquelle sont tous ceux qu'on aime. Je peine à voir la lumière, j'avance à l'eau, et mes potes vivent des nuits en enfer, les autres à l'ombre. Il me faut de l'encre pour faire pleurer ma plume, pour se coincer entre le marteau et l'enclume, entre l'index et la gâchette. Le geste est sain, et c'est l'histoire de la rue qui se répète comme un sample. Tout part ensemble, les liens se fument comme le chanvre, et dans nos âmes le froid s'installe comme en décembre. Tu veux que je te dise, avant mes potes ne braquaient pas, ils ont mis la cagoule parce que leur tête ne passait pas. On n'oublie pas, non on n'oublie pas, les frères incarcérés, ceux qu'on a enterrés, pour eux on a le cœur serré. Ce morceau comme une lettre qu'on vous envoie, mes frères on se reverra ici pas ou dans l'au-delà. On partage nos peines avec ceux qui nous comprennent. Le spleen après nos rimes, elles poussent comme des chrysanthèmes. Y'a plus de choix, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est plus ma voix, mais mon cœur que t'entends. On veut la paix, parce que la guerre nous a trop saigné, parce que nos mains ont trop péché par le passé, parce que la vie nous presse comme un flingue sur la tempe. Comprends pourquoi j'ai la rime couleur sang. Ma rime couleur pourpre, c'est mon cœur qui parle. Dans le ghetto y'a une seule voix et c'est le calibre qui parle. La haine qui part sur beat, on expose les pistes. Les gosses qui se régalent de faire tourner les chemises en bourrique. La plupart d'une hérité de la haine et de la rancune. Une plume trempée dans l'encre, dans ce putain de bitume. On a trop de choses à dire, on a trop de larmes, de tristesse qui pèsent sur nos cœurs. C'est toutes ces choses qui font de nous des killers. J'ai juré de faire pleurer des sampleurs, d'arrêter de faire souffrir ma mère et son cœur. Hey, on avance dans la vie comme sans des erreurs. Y'a pas meilleur quand tu la connais par cœur. Mais elle est longueur d'avance sur nous à 7 heures. Je vais exaucer mes voeux avant de partir avant l'heure. Je vais pas finir à la dérive ou sur une barque ivre mort, repêchée par des marins ou des porcs. J'avance à corps et avec des sons mélancoliques qui font part de notre décor et nos vies tristes. Je pose ma voix sur bande ou sur piste, là où je me sens bien, là où j'oublie toute ma tristesse, fils, ainsi que le vice. Et son charme reste ton pisse. C'est les gars, elle vaut déposer les armes. Tout ce qui ralame, ça paye, c'est chez dame. Et ça finit toujours en drame. Ah, une couleur pourpre, c'est mon cœur qui parle. Mes larmes deviennent de l'encre et c'est de ma vie que je te parle. 92 autres scènes, là où la haine coule dans les veines, là où les cœurs saignent, c'est là où je m'imprègne. Y'a rien à comprendre, dommage, c'est au mien que tu viens rendre hommage. Car dans ma tête trop d'images et dans mon cœur trop de rage. Courage à mon entourage, aux personnes de tout âge, aux effrontés, aux sages. Puisqu'ici on est juste de passage, sache qu'on a chacun notre heure et tous notre jour. Mais dans ces moments, que dire aux personnes qui t'entourent? Quand les nôtres mettent fin leur jour, que les larmes coulent sur les joues, quand les fusils sont en joue et que nos mères prient à genoux. C'est mon cœur qui parle ou c'est mon cœur qui pleure? Fataliste poésie pour ce parti avant l'heure. Y'a plus d'artistes, mais juste une âme triste. J'aimerais tous les citer, mais y'a trop de noms sur ma liste. À nos yeux, aux cieux, vous êtes partis trop tôt. Et de vous, il ne reste que les souvenirs, les photos. Blessé au plus profond de moi-même, rempli d'amour et de haine. Je te jure que c'est du fond du cœur que les miens, je les aime. C'est pour ma zone, nos absents, nos disparus. Leurs noms marqués au sang sur le sol de ma rue. Je continuerai à croire en la paix, en l'amour, en l'espoir. Je viens nourrir leur mémoire et ce soir leur dire au revoir. On partage nos peines avec ceux qui nous comprennent. Le spleen après nos rimes, elles poussent comme des chrysanthèmes. Y'a plus de joie, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est plus ma voix, mais mon cœur que t'entends. On veut la paix, parce que la guerre nous a trop saigné, parce que nos mains ont trop péché par le passé, parce que la vie nous presse comme un flingue sur la tempe. Comprends pourquoi j'ai la rime couleur sang. Ma rime couleur pourpre, c'est mon cœur qui parle. Le passé pèse trop lourd, ce qui fait mal, je le garde. De quel côté on penche, bon mauvais, j'aurais pas à dire. Jusqu'où beaucoup de frères flanchent, à vrai dire. Ils baissent les bras, après les avoir fait lever. Dans ce moment-là où un cache-bras, un instant où ils ont rêvé. Rêver est difficile dans une vie faite de routine. Certains les changent la vite contre celle de mes rimes. Dors du 92 dans le désordre. Comme dans nos têtes, quand un PD nous donne des ordres. Cousse, on vit tous avec une plaie ouverte. Et au fond de nous, on souhaite que quelqu'un vienne et la recousse. Une épouse ou un ange, on évite le diable et ses charmes. En passant dans mon ange, j'écoute la vie qui nous désarme. Nous et nos pauvres mères, toujours debout. Bien que leur vie est un coup amer et qu'elles soient souvent à bout de souffle et de nerfs, elles souffrent et ça vénère. Le pire, c'est qu'on fait rien pour stopper ce qui génère leur détresse, leur tristesse. Cousin, la tête t'enfonce, te défonce, ralentis ta vitesse. J'adresse 24 à ceux qui veillent, H24 sans leurs proches ou qui essayent. Ma rime couleur pompe, c'est mon cœur qui fait.